Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Merci de faire route avec nous à travers la Bible. Nous sommes très heureux de présenter ce numéro de Méditons ensemble en votre compagnie. Nous bénéficions de l'assistance technique d'Emmanuel Yao et d'Edouard Yao. Je suis Adombi Alex Pacom pour vous servir. Nous lisons avec le professeur Elvis Kofi Gbaklia, Jean chapitre 7, les versets 1 à 13. Le professeur Elvis Kofi Gbaklia est aussi pasteur auxiliaire à l'église baptiste Œuvre et Mission de Cocody Angré. Nous voici maintenant arrivés au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Cette session prépare le terrain pour une autre confrontation entre Jésus et ses adversaires qui aura lieu à Jérusalem. Les détails de ce récit avec notre invité. Avant la lecture du texte, nous allons prier juste un moment avec le professeur Elvis Kofi Gbaklia. Abba Père, je te remercie pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de venir à toi afin que la bénédiction qui vient du troisième ciel soit notre partage. Ce matin encore, nous sommes venus à ta source. Étanche notre soif, afin que toutes ces journées, nous soyons dans la victoire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous lisons pour ce jour, selon les indications du lecteur de la Bible, Jean chapitre 7, les versets 1 à 13. La lecture est faite dans la Bible version français courant. Verset 1. Après cela, Jésus parcourut la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les autorités juives cherchaient à le tuer. La fête juive des tabernacles était proche et ses frères, et les frères de Jésus lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu accomplis. Personne ne cache ce qu'il fait s'il désire être connu. Puisque tu accomplis de telles œuvres, agis en sorte que tout le monde te voit. » Verset 5. Ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. Pour vous, tout moment est bon. Le monde ne peut pas vous haïr. Mais il me hait, moi, parce que je déclare que les œuvres qu'il fait sont mauvaises. Allez à la fête, vous. Je ne vais pas à cette fête parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Il leur dit ces mots en restant en Galilée. Verset 10. Quand ses frères se furent rendus à la fête, Jésus y alla aussi, mais sans se faire voir en secret. Les autorités juives le cherchaient pendant cette fête et demandaient, « Où est-il ? » On discutait beaucoup de lui dans la foule. « C'est un homme de bien, » disaient les uns. « Non, » disaient les autres. Il trompe les gens. Verset 13 pour mettre fin à notre lecture. Mais personne ne parlait librement de lui parce qu'ils avaient peur des autorités juives. Amen. Amen. Merci de faire route avec nous chaque matin, chers amis auditeurs, avec le professeur Elvis Kofi Gbaklia. Nous allons essayer de bien comprendre ce texte qu'il nous a donné selon les indications du lecteur de la Bible. Il s'agit de Jean chapitre 7, les versets 1 à 13. Nous allons, pour commencer, rappeler le texte que nous avions lu hier. Donc, c'était le psaume 126, professeur. Oui. En effet, frère Alex, le texte d'hier avait pour thème général la restauration. Ce texte avait deux mouvements et qui nous a entretenus à partir du premier mouvement sur le souvenir vivace de la restauration passée dont le peuple d'Israël a été le bénéficiaire. le texte nous a aussi appris que l'Éternel Dieu a fait de grandes choses parmi les Israélites. Il a complètement renversé, le « il », c'est Dieu, a renversé plusieurs situations de leur vie de souffrance. D'où l'immense joie et les rires de bonheur non dissimulés. Le second mouvement que nous avons vu hier a parlé de restauration à venir. Ce n'est pas de la nostalgie d'un passé, mais plutôt une attitude d'espoir par rapport à ce passé, qui leur donne une raison de prier et d'espérer que Dieu agira encore selon sa miséricorde qui durera toujours. Seigneur, tu l'as fait déjà, fais-le encore. Seigneur, viens changer notre sort. C'est ce qui résume tout ce que nous avons vu hier. D'accord. La transition est toute trouvée pour le texte d'aujourd'hui. Nous lisons Jean chapitre 7, le verset 1 à 13. Alors, nous sommes dans l'observation. De quoi parle ce texte? Alors, le texte d'aujourd'hui nous parle d'un thème général qui est Jésus comme occasion de prise de position. Jésus comme occasion de prise de position. En effet, le Seigneur Jésus est celui à propos de qui on dit oui ou on dit non. Celui derrière qui on marche ou bien qu'on repousse, qu'on rejette jusqu'à même souhaiter sa mort. C'est de ça qu'il s'agit dans le texte de ce matin. D'accord. L'observation va nous conduire à l'interprétation, puis à l'application vers la fin de l'émission. Nous allons enfoncer le clou avec la première étape, l'observation, avec les détails, les mouvements proposés par le professeur Elvis Kofi Bakliya. Deux mouvements sont proposés, les versets 1 à 9 et les versets 10 à 13. Commençons par le premier mouvement, l'incrédulité de la famille du Seigneur Jésus-Christ, les versets 1 à 9. Oui, en effet, frère Alex, Jésus-Christ vient annoncer un rapport entre les hommes qui n'est pas le rapport de la famille. Il y a d'une part ses frères biologiques et d'autre part les disciples qu'on peut qualifier de frères spirituels. C'est un thème qui est récurrent dans les évangiles. Et ce thème nous laisse voir une sorte de querelle d'héritage entre la famille de Jésus, y compris sa mère, et les disciples. Donc entre famille sociale et famille spirituelle. Ici, le texte nous montre que, contrairement aux disciples qui avaient foi en Jésus, qui croyaient en lui, ses frères ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui, mais ils voulaient tout de même tirer profit de sa renommée à travers les miracles qu'il faisait. C'est la raison qui les pousse d'ailleurs à proposer à Jésus-Christ d'aller refaire les miracles faits en Galilée. À la fête en Judée, sachant bien que les Juifs voulaient le faire périr, voulaient le faire mourir. Donc voici pourquoi nous l'avons intitulé « Incrédulité de la famille du Seigneur Jésus ». D'accord. Voilà. Deuxième mouvement, le verset 10 à 13, Jésus monte en secret à Jérusalem. Oui, alors, du verset 10 au verset 13, c'est le second mouvement. Vous voyez, le premier mouvement se termine sur un point important. Les frères de Jésus ont insisté. Sa famille a insisté pour qu'ils aillent ensemble en Judée pour la fête des tabernacles. Oui. Il a dit non. Allez-y, moi je reste ici. Aussitôt parti, Jésus décida d'aller lui aussi à la fête. Alors, frère Alex, il faut rappeler que les fêtes que les fils d'Israël devaient célébrer sont écrites d'abord en Lévitique 23. En Lévitique 23, nous voyons les sept fêtes dédiées à l'Éternel. Mais en Deutéronome 16, on nous parle de trois fêtes seulement qui doivent être fêtées. La première, c'est la Pâque. La seconde, c'est la fête des semaines, qu'on appelle aussi la Pentecôte. Oui. Et la troisième de ces fêtes, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est la dernière de ces fêtes et elle préfigure le règne de justice et de paix que le Seigneur établira. Ici, le rassemblement du peuple pour se réjouir avait lieu après la moisson et la vendange. les frères de Jésus auraient voulu qu'il les accompagnât à la fête à Jérusalem afin de tirer gloire pour eux-mêmes des miracles qu'ils y accompliraient. Jésus a refusé de les suivre parce qu'il ne cherche pas sa propre gloire. Mais après le départ de ses frères, au verset 10, on nous dit que Jésus aussi est allé à la fête à Jérusalem. Mais il n'est pas parti au vu et au su de tout le monde. Il est parti incognito, ni vu, ni connu. Ainsi, ce qui pourrait être considéré comme une contradiction n'en est pas une, parce qu'il a dit « je ne vais pas ». Et puis après, il dit « je m'en vais » et il y va. Ça peut paraître comme une contradiction. Ça n'en est pas une. Car le Seigneur Jésus était à l'écoute de la volonté de son Père et non à l'écoute de ses frères biologiques. Oui. Il était à l'écoute de son Père, de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Et l'homme naturel ne comprend pas celui qui agit spirituellement dans la seule dépendance de Dieu. Pour Jésus, son temps de se montrer au monde n'était pas encore arrivé. Mmh. C'est pour cela qu'il est parti tranquillement. Il n'a pas fait de bruit. Et comme on ne l'a pas reconnu, eh bien, il entendait tout ce qu'on disait de lui. Oui. Il voyait les gens qui avaient peur de parler de lui ouvertement, par crainte des représailles des autorités chefs, juifs. Des oui. autorités juives. Mmh. Donc, il était là, il a tout écouté. C'était comme un renseignement, quelqu'un qui travaillait en agent secret. Mmh. Il a entendu, il y en a qui disent, vraiment, c'est Jésus, il est bon. Il y en a qui ont dit, non, il est bon, mais il est en train d'amener le peuple sur un mauvais chemin. Donc, il était là, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que ce sont des réflexions humaines. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé et donc il s'est caché. D'accord. Nous lisons ensemble Jean chapitre 7, la verset 1 à 13 avec le professeur Elvis Kofi Gbaklia. Nous allons aborder maintenant l'étape 2 que nous appelons l'interprétation. Nous allons nous intéresser à deux questions à ce stade de l'émission. On va d'abord voir la première question de cette étape. Alors, qu'est-ce que ce texte nous enseigne sur Jésus-Christ? Alors, les enseignements sur le Seigneur Jésus-Christ que ce texte révèle sont de trois ordres. Le premier point, c'est que ce texte nous enseigne la parfaite dépendance du Seigneur Jésus. Il ne fait rien de par lui-même, mais toujours selon la volonté de son Père. C'est l'une de ses caractéristiques parmi les hommes. Il y a plusieurs exemples. Aux noces de Cana, il donne du vin après celui des hommes. Ensuite, il y a un événement dramatique, malheureux, qui survient au niveau de son meilleur ami, Lazare. Oui. Son ami Lazare était malade. Sa sœur Marthe l'a envoyé chercher. Jésus n'est pas arrivé. Mm-hmm. Bon, la maladie, finalement, a eu raison de Lazare. Donc, les hommes l'ont appelé. Il n'est pas venu. Il a attendu le temps que Dieu lui-même lui dise « pars ». Oui. C'est donc 4 jours après la mort de Lazare que Jésus est venu, et quand il est venu, nous savons tous ce qu'il a fait. Il a ressuscité Lazare. Mmh. Le deuxième point, le deuxième enseignement, Jésus, dans ce texte, va à Jérusalem, non pas ouvertement comme ses frères le souhaitaient, mais comme en secret. Il est content d'être caché. Cela nous montre comment il est vraiment maintenant, aujourd'hui où nous écoutons cette méditation. Jésus est caché en nous. Et nous sommes cachés avec lui. Et nous sommes en lui. Quant à notre vie, qui est cachée en Dieu. Donc, c'est un enseignement profond, très spirituel. Soyons cachés en Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, lui en Dieu, alors nous sommes plus que vainqueurs. Voilà le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, on nous dit qu'il devait bien vite manifester que le Seigneur avait en vue un but plus profond, plus spirituel, en décidant de partir en Judée. Il avait refusé de partir, mais lorsque Dieu lui a dit de partir, il y est allé. Il avait refusé quand ses frères lui ont proposé. Il avait même affirmé que le moment approprié pour se manifester au monde n'était pas venu. Mmh. Mais Dieu avait une mission à Jérusalem pour son fils. C'est pourquoi, finalement, Jésus est parti Tant que c'était dans la foule, il n'a rien dit. Il était là, il a écouté, il va à Jérusalem. Et nous allons le voir demain, que Jésus est parti pour un but précis. Et il va remplir une mission précise à Jérusalem. D'accord. Voici le troisième enseignement. Nous allons enchaîner avec les vérités bibliques que nous découvrons dans ce texte. Alors, il y a deux vérités essentielles qui transparaissent de ce texte. La première grande vérité, c'est qu'il faut rompre avec sa famille. La famille biologique. Oui, sa famille biologique. Mmh. La fratrie, comme la maternité, sont ressaisies dans une dimension qui n'est pas la dimension de notre relation habituelle, de notre relation courante. D'ailleurs, il y a un texte qui dit qu'il faut quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Donc, déjà, l'idée de quitter la famille biologique existe en filigrane, ici. Frères et sœurs, cela ne signifie pas du tout une négation de la signification de la famille. Mais cela veut dire tout simplement que la relation ultime de l'homme à l'homme n'est pas la relation de la famille native. Nous sommes ici toujours dans une sorte d'opposition entre les deux naissances, comme on le voit en Jean 3. Dans la conversation que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec Nicodème, à qui il a demandé de naître de nouveau. Oui, la famille biologique nous permet de voir le jour physiquement. Ça, c'est la première naissance. Mais la famille spirituelle nous permet de naître de nouveau. C'est une seconde naissance. Et c'est de cette seconde naissance-là qu'il s'agit. Et c'est cette seconde naissance qui va nous permettre d'être héritier du ciel. Et ça, c'est la première grande vérité. La deuxième vérité est que le monde aime ceux qui sont siens, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. Mm-hmm. Mais le monde hait, le verbe haïr, ceux qui ont une marche fidèle à Dieu. Ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés, nous dit 2 Timothée 3, verset 12. De même, si nous prêchons le pur évangile, ne nous attendons pas à ce que le monde nous aime. Pour ceux qui désirent suivre Jésus, le temps actuel, le temps d'aujourd'hui, n'est pas celui des honneurs, mais plutôt celui de l'opprobre. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Ainsi, quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. C'est écrit dans Jean 4, verset 4. Donc c'est la deuxième vérité. La deuxième vérité. Il faut aimer Dieu. Nous allons souffrir lorsque nous allons décider d'être intimes de Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième vérité. Voilà les deux vérités. D'accord. Nous allons conclure cette émission, chers amis auditeurs, tout en vous rappelant le texte. Il s'agit de Jean chapitre 7, les versets 1 à 13. Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en marche. L'application va nous permettre de faire des propositions d'enseignement, de leçons à tirer, à mettre en pratique pour ce texte. Alors, professeur Elvis Kofi, qu'est-ce qu'on retient pour ce texte, pour la journée? Alors, pour cette journée, frères et sœurs, à travers les ondes de la radio Fréquence Vie, notre radio préférée, nous devons retenir que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire que Dieu fait toutes choses bonnes au temps convenable, au temps opportun, pas avant, pas après, mais au temps favorable. Et ce temps-là s'appelle Kairos. C'est le temps de Dieu par excellence. Oui, frère Alex, les frères et sœurs à l'écoute ce matin devraient savoir que la notion de temps est très importante dans la vie chrétienne. En effet, nous devons comprendre qu'il y a trois types de temps qui sont le temps physique, qu'on appelle chronos. Alors la montre, on l'appelle aussi le chrono. Mm-hmm. C'est le temps que nous connaissons tous les jours. C'est le temps physique. Ce temps-là est segmenté en passé, en présent, en futur, grâce aux unités de mesure telles que la seconde, la minute, l'heure, le jour, la nuit, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre, l'année. Ce temps est un temps quantitatif. C'est un temps qui s'écoule dans le temps, il est linéaire. Mmh. Ensuite, nous avons le temps kairos. C'est le temps ontologique. C'est le point de basculement décisif où quelque chose de spécial arrive. C'est le temps T où l'éternel Dieu Tout-Puissant agit. Ce temps est un temps qualitatif. C'est un temps immatériel. Il ne se mesure pas, mais il se ressent. C'est le temps opportun. C'est le temps favorable. Le temps de Dieu. Donc, quand ses frères lui ont dit, allons à Jérusalem. Les miracles que tu fais ici, là, tu vas aller faire là-bas. Il a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Il faut attendre le temps de Dieu. Et ce temps-là s'appelle Kairos. Le troisième temps s'appelle Aeon. C'est un temps qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein. Heureusement que nous sommes à Fréquence Vie. On le sait aujourd'hui. C'est le temps des cycles. Comme les cycles, les saisons, la respiration, inspirer, expirer, le sommeil, on dort, on se réveille. Ce temps-là n'a pas de borne. Et il peut également signifier la destinée, l'âge, la génération, l'éternité. Il désigne une période indéfiniment longue. Alors Jésus leur dit, mon temps, Kairos, n'est pas encore là. Votre temps à vous est toujours à votre disposition, toujours là. Vous voyez, c'est au verset 6, il a dit ça. Donc, nous voyons bien que nous devons retenir une chose. Soyons patients, attendons toujours le temps de Dieu, qu'on appelle Kairos. D'accord, on va prier avant de terminer, professeur. Alors, quelle prière on peut faire? Oui. Alors, soyons des disciples du Seigneur Jésus afin qu'il agisse dans notre vie au temps opportun. D'accord, on va vous laisser le son de prier. Seigneur Jésus, à toi nous venons ce matin pour te confier nos vies respectives. Donne-nous, s'il te plaît, Seigneur, la capacité de devenir et de demeurer tes disciples. Éloigne de nous l'orgueil. Rends-nous humbles. Accorde-nous de te ressembler pour œuvrer comme tu le veux en cette année 2020. Permet que nous ne fassions rien de nous-mêmes, mais qu'en toutes circonstances, nous agissions au moment convenable sous ta divine inspiration. Élévation, honneur, louange et gloire te reviennent aujourd'hui, demain et toujours au siècle des siècles. Amen. Amen. Un grand merci au professeur Elvis Kofi Gbaklia, qui est aussi pasteur auxiliaire à l'église baptiste œuvre mission de Cocody Ancré, pour la lecture de Jean chapitre 7, les versets 1 à 13. Retrouvez à la page 22 dans le lecteur de la Bible la note explicative à ce texte. Note explicative intitulée « Un homme recherché ». Demain, il sera question des versets 14 à 24 de Jean 7, toujours avec le professeur Elvis Kofi Gbaklia. Demain, Emmanuel Yao sera toujours des nôtres pour la mise en œuvre de cette émission. Merci pour votre écoute. On se retrouve demain. Shalom. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.